C'était ton nom, c'était ton nom. Comme l'eau bouge tout le temps. C'était ton nom, c'était ton nom. C'est immobile, c'est rapide et c'est lent. Ça développant, t'es la plus raide. Sans sa volonté, ça creuse tout. Ça va. C'est étonnant, c'est étonnant. Comme ruisselle tous mes sentiments. Comme je bois, je crache, comme je pleure. Liquide ma peine, mon plaisir, mon malheur. Par les lèvres rentre, les lèvres sortent.